est écrit. C'est écrit que le carrefour devait bien avoir une fin. J'ai pris la droite, t'as pris la gauche, on s'est pas revu. Sur la chaussée, toi et moi, on a fait notre voie. Faut chier sur le côté, tu sais bien que le circuit était fini. J'étais à Manicourt, tu venais de Monaco. Cette vie est ainsi faite, aujourd'hui j'ai traversé les patelins. Auprès de moi, t'étais comme la Morora. Copilote, on a fini, tout même on a fait des tours. Les radars nous ont rattrapés. Sur les patelins, les péages et la chaussée, toujours immatriculés. Avec notre voix, on a essayé en giratoire. Il y avait les priorités, les clignotants et les warnings. On a fait notre part des croisés. Aujourd'hui, juste bouleversé, on avait dit qu'on suivait vie à la mort. On continue et même si t'as pas tes forces, tu resteras dans mon cœur comme toujours éblouissant alors. Et la chaussée était glissante, t'as fait ta part, j'ai fait la mienne. Et aujourd'hui, on continue même sur les... Tu sais, on a traversé les bouchons. Aujourd'hui, je suis ébloui et ton regard, il me manque alors au fond de tes yeux. Ce qui manque, je fais ma part et sur le carrefour, j'ai fait ma part. La ligne était continue, t'as fait ton bout de chemin. Aujourd'hui, y'a pas de problème, on a les priorités. J'ai vu sur le panneau que tu fais tourner par là. Moi, j'ai fait mon système et je m'arrête ici-bas. Les autres s'étonnent de voir que je continue, oui, tout seul. De mon cœur, c'est parole, c'est tes yeux qui me rendent seul. Parce que je sais que tu n'entendrais plus, je sais que ça se repasse plus. Et qu'une fois qu'on t'a croisé, tu sais qu'on ne t'oubliera plus. Alors, ça se passe comme ça, je voudrais rester auprès de toi. Je sais que tu es très loin là-bas et je sais que t'as tes choses à faire. Aujourd'hui, je fais mes affaires et surtout, y'a pas de repère. Continue et lâche mes textes, lâche mes paroles, c'est du vert. C'est aujourd'hui y'a plus de saut, c'est que j'ai sauté. Aujourd'hui j'ai le péage, tu vas pas faire sauter. J'ai des PV dans la tête, j'ai voulu rester auprès de toi, pas facile. Tu sais que t'as ton chemin à faire. J'étais sur Manicourt et toi, Monaco, pas sur le même F1, mais toujours en pole position, ton number one. T'oublies jamais ceux qui m'ont passé. Aujourd'hui tu fais des pas et je regarde, tu fais des danses. Donc pour toi, tu sais d'où je viens. Tu sais qu'on a traversé des chemins pas faciles, des péages et des patelins. Les gens nous regardent travers parce qu'ils savent pas d'où l'on vient. Ils regardent juste nos pas, ils se connaissent pas la poitrine de nos semelles. On fait ce que l'on peut et on a fait du mieux qu'on pouvait. Aujourd'hui je m'en vais et je m'emmène très loin. Tu sais que je me casse, aujourd'hui y'a pas de casse. Regarde cette carrosserie pleine des cannes qui m'emmène loin. J'ai fait du 120 à l'heure avec toi, on rêvait d'être les meilleurs. Regarde ce qu'on fait, dans notre dos y'a pas rien. J'ai pas problème, ce que je sais, on est des vainqueurs. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est pour ça qu'on est meilleur. N'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais ce qu'on a fait. Tu sais ce qu'on est aujourd'hui, on le refera avec effet. Tu sais que ça se passe, les chiens essaient de nous arrêter. Sur le bas-côté, quand tu verras, qui diront de t'arrêter. Présente tes papiers, les PV, ça fait du mal dans la tête. Certains ont oublié, aujourd'hui, j'ai pas besoin de passer les bracelets. Oublie jamais ce qu'on fait, avec peut-être permis. J'ai papier rose dans ma tête, et c'est mon cœur qui saigne quand j'oublie. Reste toujours dans ma tête, au fond de mon cœur, tu sais comment ça se passe, j'oublie jamais alors. C'est écrit, toi et moi on devait rester ensemble. C'est écrit, toi et moi on devait rester ensemble.